Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Voici tout de suite Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Enfin, les nombreux témoignages publiés par la presse, de nombreux Vénézuéliens ont en tout cas l'impression d'avoir donné une leçon de démocratie aux autres pays d'Amérique latine, sinon au monde entier. Du Libertador. Il est parti d'un État libéral, il est arrivé à un État dictatorial, et puis à la fin, il a dit, il n'y a plus d'État possible. À l'héritier. J'imagine que les militaires vénézuéliens ont des états d'âme. La mémoire de l'indépendance. La muerte. La mort du libérateur, Bolívar. C'est l'expression tragique de ce que doivent endurer tous les grands hommes. Au terme d'une semaine d'émeutes sanglantes, Caracas était au bord de la famine. Nous vivons actuellement une guerre froide 2.0. Cela fait 70 ans que les États-Unis essaient d'étouffer tout régime socialiste ou communiste chez ses voisins du Sud. Laissez le Venezuela acheter et vendre comme n'importe quel autre pays. Et déjà, ça ira bien mieux. Cette semaine, le Venezuela. Chapitre 3, quelques hommes au pouvoir. Deux hommes auront marqué l'aspiration à l'indépendance dans l'histoire du Venezuela, Francisco de Miranda et de façon encore plus notoire, Simon Bolivar. Ce dernier disparaît en 1830. Son travail reste en suspens. L'indépendance et surtout la constitution de la Grande République, voulue par Bolivar, comme symbole d'une union des peuples partageant la même soif d'autonomie, est au bord de l'éclatement. Nombreux sont ceux qui veulent mener leur destin à leur guise. Colombie, Équateur, le Pérou, menacé par une présence militaire toujours forte. À la mort de Bolivar, un autre héros de l'indépendance, José Antonio Páez, assume la présidence. Avec lui, s'ouvre une nouvelle période. Décidément, le Venezuela n'en a pas fini avec la guerre. En 1859, et pour 4 années, le voilà de nouveau plongé dans un conflit civil. Pareil au combat précédent, on retrouve les mêmes camps. Conservateurs d'un côté, fédéralistes et libéraux de l'autre. Les conservateurs ne veulent pas entendre parler d'égalité, ils entendent conserver leurs privilèges. Les fédéralistes, quant à eux, sont résolus à dissoudre par le truchement des urnes cette oligarchie qu'ils estiment bornée et nuisible à l'évolution sociale du pays. Les électeurs leur donnent raison. Vainqueur en 1863, il promulgue le décret de garantie, une somme de conditions sociales élémentaires telles que le droit à la vie, à la propriété, à l'inviolabilité du domicile. La période d'accalmie qui suit voit Caracas se développer à vive allure, tandis que surgissent, au travers d'énormes chantiers, les traces d'un patrimoine en pleine naissance. Ici, on construit le Capitole, là, la place Bolivar, là encore, le théâtre municipal ou le Panthéon national. Le réseau routier, lui aussi, connaît sa période d'extension, de même que les voies ferrées. Mais le Venezuela a le sens de la discontinuité. D'une présidence à l'autre, tout change. Après l'ouverture instillée par Antonio Guzmán Blanco, une révolution restauratrice est entraînée par Cipriano Castro. De la discontinuité et de la fragilité. Castro, à la tête d'un commando de 60 hommes, renverse le pouvoir et prend le contrôle de la présidence. Une poignée d'hommes, pas forcément fidèles. Profitant du voyage de Cipriano Castro, l'un de ses compagnons va lui subtiliser le pouvoir et lui interdire le retour au pays. Ce second déloyal, ce Judas, se nomme Juan Vicente Gómez. Il réussit le coup de maître. Un coup d'État sans une goutte de sang qui le propulse au pouvoir, où il se maintiendra 27 années. 27 années au cours desquelles les militaires s'en donneront à cœur joie pour mater les rébellions d'où qu'elles viennent. Les étudiants de la génération 28 s'en souviendront longtemps. Avec Gomez, le pays connaît un virage majeur. C'est sous son gouvernement que se crée l'industrie pétrolière vénézuélienne. Les zones de travail s'entrecroisent, on quitte le monde ancien de l'agriculture, on mise sur l'énergie nouvelle. Le pays en profite pour régler une dette qui jusque-là l'étranglait, et puis le dictateur meurt. Le pays ose s'avancer vers une transition démocratique. Le multipartisme a désormais droit de cité. Les partis, autrefois baptisés révolutionnaires, sont admis comme autant d'options enrichissant l'éventail politique. Les députés sont élus au suffrage universel et direct, pas encore le président. Et surtout, signe majeur, pas de prisonniers politiques, pas d'exilés, ni de poursuivis politiques. Une période de respiration auquel un putsch militaire mettra un terme aussi expéditif que durable. La période suivante peut se résumer ainsi. Un président élu, puis déplacé, remplacé par un autre, kidnappé et assassiné, remplacé par un nouveau, vainqueur par fraude, et qui doit s'enfuir du pays après avoir mécontenté tout le monde. Au Venezuela, le ridicule politique semble effectivement ne pas toujours tuer. Nous sommes arrivés dans l'ère moderne, celle de la démocratie. Le premier président qui la représente, en avril 1960, est Romulo Betancourt. 55 ans, homme de petite taille, des épaules de catcheur, lunettes à forte monture et tempes grisonnantes. Sa carrière politique a commencé il y a une trentaine d'années. André Rougemont. Il s'insurgea successivement contre les régimes instaurés par Vicente Gomez, puis contre les généraux Contreras et Angarita, enfin contre le général Pérez Jiménez, le dictateur le plus haï d'Amérique latine. Aux dernières élections, il fut l'adversaire de l'amiral Larrazábal, qui avait contribué à renverser Pérez Jiménez. Ce révolutionnaire connut évidemment la prison et l'exil. Il vécut près de 20 ans à l'étranger. Lorsqu'il fut élu en décembre 1958, ce fut sa victoire, bien sûr, mais aussi celle des civils sur les militaires. Car Romulo Betancourt est un civil, brillant économiste, c'est aussi un journaliste réputé. Sitôt après son accession au pouvoir, M. Betancourt annonça son intention de lutter contre la misère et le chômage. Pour ce faire, il stoppa l'immigration dont il avait été l'initiateur en 1957 et tenta de développer l'enseignement, car on compte 2 millions d'analphabètes au Venezuela. Mais le point le plus important de son programme était sans nul doute sa volonté de réviser le régime de l'exploitation pétrolière qui depuis 1948 était basé sur le principe du cartel international du pétrole, soit la règle du 50-50, moitié-moitié. Le Venezuela, s'il est encore le seul pays du monde qui loue son sous-sol, est le second producteur et le premier exportateur de pétrole du monde. Agir par voie de négociation sans vouloir former d'anticartel et sans aller jusqu'à la nationalisation, créer une compagnie nationale de pétrole semi-privée, augmenter la participation de l'État au bénéfice des compagnies étrangères et obtenir un droit de regard sur les projets de ces compagnies, ainsi pourrait se résumer le programme du président vénézuélien, programme modéré qu'il conduit lentement mais sûrement à sa réalisation. Un homme ancien dans un pays nouveau. Un pays qui a soif d'un changement qu'il sait possible grâce à la formidable richesse détenue par son sol. Mais à qui profite la dîme? Sans doute pas aux 2 millions d'analphabètes qui traversent la vie à cloche-pied. L'argent, on le sait, va à l'argent. La capitale Caracas, quant à elle, fait étalage de luxe et de surenchère. Marc Blampin. La ville de Caracas est une ville qui est méconnaissable pour ceux qui qui passait 2 ans sans la voir. Et l'ami qui m'accompagnait là-bas, qui était là-bas depuis 8 ans, eh bien, a passé son temps à me montrer des choses qui n'existaient pas l'année dernière ou qui n'existaient pas il y a 2 ans. C'est la ville américaine la plus américaine. Elle rappelle Saint-Paul du Brésil pendant la guerre, où naissait un gratte-ciel par jour, ou alors Chicago au moment de la grande expansion. Quand vous parcourez Caracas, vous avez tout de suite une idée de la structure sociale du Venezuela. Vous avez d'abord, au milieu, la grande ville des gratte-ciels, n'est-ce pas ? Longue d'une 20aine de kilomètres, très étroite. Et cette grande ville des gratte-ciels, c'est évidemment la ville des employés, des ouvriers, enfin de tous les gens qui tournent autour du pétrole. Puis, sur quelques collines privilégiées, vous avez de très somptueuses villas. Là, ce sont les maîtres du pétrole, les gens qui font du bolivar comme d'autres font du dollar. Et puis, accompagnant cette grande coulée de gratte-ciels, vous avez de part et d'autre 2 villes de ranchito, c'est-à-dire de petites maisons de boue et de tôle, ben, misérables, et ça, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à se mettre dans le pétrole. Voilà la structure sociale du Venezuela. Ça n'est évidemment pas très encourageant. Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy devient le 35e président des États-Unis et le premier président catholique dans l'histoire du pays. Dans son allocution au Congrès, il précise les objectifs de sa politique de la nouvelle frontière. Départ vers les nouvelles frontières, compromis honorable avec l'Union soviétique, fermeté dans la défense de la liberté, encouragement de la démocratie dans le monde par une politique généreuse d'aide au développement. Le plan prévu pour l'Amérique latine porte le qualificatif optimiste d'alliance pour le progrès. Une semaine après l'attentat de Dallas contre le président américain, tout est remis en question. Les dernières grandes décisions de John Kennedy avaient été de revoir de fond en comble cette alliance pour le progrès qui n'avait pas porté les fruits espérés. Au moment où il fut abattu, tous les États américains tenaient conférence à Sao Paulo dans ce but. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au Venezuela, la situation dans laquelle se trouve le pays est des plus typiques. Un gouvernement démocratique dirigé par M. Betancourt. M. Betancourt jouit de l'appui de Washington, qui ne veut ni un gouvernement de gauche, bien entendu, mais qui ne veut pas non plus d'un gouvernement d'extrême droite ou d'une junte militaire contre lequel le peuple finirait par se soulever. Seulement, le champ de manœuvre du président Betancourt est très étroit. La droite et l'armée ont le soutien des grandes compagnies pétrolières, c'est-à-dire la puissance de l'argent. L'extrême gauche entretient une agitation qui ne lui donnera pas le pouvoir, loin de là, mais qui risque de provoquer la prise du pouvoir de l'extrême droite, ce qui amorcerait le cercle vicieux de la révolution et de la contre-révolution dont finiraient par profiter les communistes. Et pourtant, cette marche en avant vers le progrès, le Venezuela l'a déjà entreprise. Mieux que cela, discrètement, loin des fureurs cubaines, le pays s'est comme subtilement engagé dans une autre voie. Au Venezuela se développe actuellement, n'est-ce pas, une expérience de caractère de gauche et de caractère démocratique, et l'expérience met en cours. David Rousset, journaliste au micro de Claude Méret. Elle met en question ou elle met en jeu tout le problème de savoir si on peut à la fois acquérir l'indépendance nationale, réaliser une révolution sociale sans un affrontement castriste violent avec les États-Unis et par la voie des réformes successives. Donc le sort final du régime de Betancourt intéresse toute l'Amérique latine. Quelle est exactement l'opposition au président Betancourt ? Alors l'opposition au président Betancourt est de 2 ordres. Il y a une opposition de droite. Cette opposition de droite est surtout cristallisée autour du Slar Pietri. Slar Pietri représente la grande bourgeoisie vénézuélienne, la chambre de commerce de Caracas, la grande banque. Et le principal de ces griefs contre Betancourt et contre son expérience consiste à dénoncer la mauvaise gestion financière, ou enfin ce qu'il prétend être la mauvaise gestion financière du président Betancourt. Cette opposition, si intéressante qu'elle soit dans sa argumentation, ne paraît pas représenter un danger réel du point de vue du parti au pouvoir ou de la coalition au pouvoir. Car j'attire votre attention sur ce fait, c'est que l'Action démocratique ne gouverne pas en tant que parti isolé, n'est-ce pas ? Il y a eu une coalition du pouvoir où, à l'heure actuelle, il y a encore deux partis, le COPEI et l'Action démocratique. Le COPEI est un grand parti catholique. C'est un parti qui se range dans l'axe de la politique actuelle du Vatican et de la démocratie chrétienne. Par contre, il y a une opposition de gauche. Et cette opposition de gauche est certainement celle qui est le plus virulente et qui menace le plus le régime. Qui en fait partie ? Eh bien, pour comprendre cette situation, il faut voir que les ruptures intérieures au Venezuela et toute la crise du Venezuela s'est cristallisée sur l'affaire cubaine. C'est au lendemain de la conférence de Costa Rica qui a condamné Cuba que les ruptures se sont faites. D'abord au niveau du gouvernement. Ensuite, il y a eu une seconde cassure qui s'est produite alors, elle, à l'intérieur de l'Action démocratique. L'aile gauche de l'Action démocratique a quitté le parti et a constitué le MIR, c'est-à-dire la gauche révolutionnaire. Or, à l'heure actuelle, la gauche révolutionnaire d'une part et le Parti communiste de l'autre représentent les deux piliers de l'opposition au régime. Et soutiennent les forces insurrectionnelles, les forces terroristes, les forces de sabotage. Il est évident que lorsqu'un pays comme le Venezuela est en proie à l'action terroriste et à la répression, il est facile de contester le résultat d'élections, dont on pourra dire qu'elles ne se sont pas tenues dans un climat favorable à l'indépendance du vote. Mais de surcroît, ils sont en train de vouloir faire la démonstration que l'action démocratique et Betancourt sont incapables de maintenir l'ordre. Or, ils espèrent que cette démonstration va avoir ses répercussions dans l'armée. Et là, c'est un point capital. Ce que les communistes espèrent certainement aujourd'hui du point de vue stratégique, c'est que ce climat créé par les sabotages et par l'action terroriste va provoquer un soulèvement militaire de droite pour deux objectifs. D'abord, parce qu'ils pensent sans doute qu'il leur sera plus facile de se dresser avec efficacité contre un gouvernement militaire de droite que contre un gouvernement socialiste et réformiste de Betancourt et de l'Action démocratique. Mais surtout, et c'est cela qui est très important, parce que si un coup d'État de cet ordre se produit au Venezuela, la démonstration aura été faite que la voie réformiste, la voie des réformes graduelles, la voie de l'entente avec les États-Unis pour une transformation démocratique intérieure du pays est une voie fermée. Et cela signifiera que, tout en étant négative, cette expérience va jouer un rôle considérable en faveur des positions castristes dans toute l'Amérique latine. Washington est entièrement engagé dans l'expérience Betancourt. Un échec de l'expérience Betancourt aurait un retentissement sur toute sa politique en Amérique latine. Donc il est évident que Washington va faire tout ce qu'il estime nécessaire pour soutenir Betancourt. Deuxième exportateur de pétrole du monde, le Venezuela tire des 9300 puits de pétrole de Maracaibo 69% de sa production. L'or noir, qui coule jour et nuit, pompé continuellement sous l'eau du lac, est exploité depuis 1922. Et cependant, Maracaibo, deuxième ville du Venezuela avec 450 000 habitants, a gardé son pittoresque. On y rencontre les Indiens Guajires qui sont demeurés d'un type absolument pur. Il en reste 15 000 qui n'ont plus la férocité de leurs ancêtres, lesquels se battirent à coups de flèche contre les conquistadors espagnols. Un peu plus loin, dans la lagune de Sinamaica, vivent d'autres indigènes dans de pauvres maisons de bois sur pilotis. Le pétrole ne leur est rien et la pêche est leur seule ressource. Pour ceux-ci, Caracas, c'est l'inconnu. Ils n'en connaissent ni la circulation ni les embouteillages. Et cependant, la capitale du Venezuela, taillée à l'américaine sur 20 km de long, dans une vallée à 800 mètres d'altitude, a 2 millions d'habitants, le quart de la population du pays, et vit pour l'instant dans la paix, après l'agitation préélectorale de novembre 1963. Son réseau routier est un des plus modernes du monde, et ce nœud de dérivation permettant de sortir de la capitale vers l'autopiste de l'Est s'appelle le Poulpe. La circulation à Caracas est un cauchemar, même pour les caracueños. Mais autour de la ville, non loin de la place Bolivar, où le général vénézuélien donna le signal de la libération de l'Amérique du Sud, les ranchos se profilent sur les collines où vivent 350 000 personnes entassées dans des bidonvilles. Leurs habitants ne profiteront pas des luxueux hôtels gouvernementaux de la côte ou de l'île Marguerite, conquises par des Français avant de l'être par des Espagnols. Il y fait toujours beau, L'île a ses lagunes et ses palétuviers, mais sa plus grande attraction, c'est la pêche aux perles. Le gouvernement de Romulo Betancourt est suivi par celui de Raoul Leoni, militant du même parti. Leoni a peut-être l'entêtement corse dont il est originaire par son père. Toujours est-il qu'il poursuit, amplifie le virage démocratique. Un jeu d'équilibre et de jonglage auprès des divers politiques qui font partie de son cabinet. Face à lui, Leoni a fort affaire avec la montée d'une lutte armée et d'un terrorisme qui lui laisse peu de marge de manœuvre. Leoni se révèle bon tacticien en pratiquant une politique de contournement, de réconciliation. Il invite les partis tournés vers la lutte armée à une réinsertion dans la vie politique nationale. Quelques partis mineurs se voient ainsi légalisés, tandis que les prisonniers politiques retrouvent la liberté. Leoni a le geste d'autant plus généreux qu'il sait que l'économie de son pays est au beau fixe. La production de pétrole atteint des sommets, le pays continue de se transformer, infrastructures et population en profitent, de même que l'armée qui voit ses installations et son matériel entièrement rénovés. Malgré ses efforts, Leoni ne sera pas réélu. Il cède la place au troisième président de l'ère démocratique vénézuélienne, Raúl Caldera. Dans l'histoire du Venezuela, ce sera la première fois qu'un parti en place transmettra constitutionnellement le pouvoir à une formation adverse. Jean-Claude Bureur. Évidemment, un accroc de dernière heure demeure toujours possible, mais l'impression prévaut aujourd'hui à Caracas que le président sortant, Monsieur Leoni, et son parti, l'Action démocratique, après avoir présidé pendant 10 ans aux destinées du pays, accepteront, conformément aux jeux de la démocratie, de céder la place à Monsieur Caldera, leader du parti chrétien social COPEI. Dans l'ensemble, les Vénézuéliens se montrent particulièrement fiers des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections. Notre nation, nous ont déclaré différentes personnalités, a donné la preuve de sa maturité politique et a montré son attachement à la Constitution. En croire les nombreux témoignages publiés par la presse, de nombreux Vénézuéliens ont en tout cas l'impression d'avoir donné une leçon de démocratie aux autres pays d'Amérique latine, sinon au monde entier. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les autorités ont pris différentes mesures pour détendre l'atmosphère. Le président Leoni a notamment fait libérer plus de 150 détenus politiques, tandis que 16 étudiants en exil ont été autorisés à regagner le pays. Cependant, pour M. Caldera, la rentrée politique ne sera pas entièrement exempte de difficultés. Les dernières élections n'ont fait qu'accentuer le morcellement des forces politiques au Venezuela. Malgré l'élection de leur leader à la présidence, les chrétiens sociaux seront minoritaires dans les deux chambres et compteront moins de sièges que l'Action démocratique. Les dirigeants du COPEI reconnaissent d'ailleurs que la tâche de leur parti ne sera pas facile au Parlement. M. Caldera s'efforce d'ores et déjà d'obtenir l'appui d'autres formations et de gagner à sa cause une partie des députés indépendants. Mais avant de s'engager, la plupart des autres partis vénézuéliens attendent de voir le nouveau gouvernement à l'œuvre. Nous sommes en 1971. L'ère est à l'ingérence de l'État dans les affaires. Les mines de cuivre et de fer au Chili, Allende en perdra le pouvoir et la vie, le pétrole au Venezuela. Après le gaz naturel, l'État vénézuélien vient s'immiscer dans les affaires de l'or noir. Un petit coup de théâtre dans le monde trop tranquille des concessionnaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se passe au Chili n'est pas un cas isolé. Jean-Claude Burer, en 1971. Et au moment où, à Santiago, on nationalise le cuivre, des efforts analogues sont entrepris à Caracas, au Venezuela, pour renforcer le contrôle de l'État sur le pétrole, qui joue à peu près le même rôle dans ce pays que le cuivre au Chili, puisque le pétrole au Venezuela, ça représente encore plus que le cuivre au Chili, c'est-à-dire le 90% de la valeur totale des exportations du Venezuela, qui est le principal producteur de pétrole de toute l'Amérique latine et un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde, qui a joué un rôle très important lors de la réunion de Téhéran et de l'autre réunion des pays pétroliers à Tripoli, et qui ont obtenu une augmentation des royalties, et le Venezuela a joué un rôle de première importance dans ces décisions, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas encore de mesures aussi radicales que celles prises au Chili, mais tout de même, je crois que ce sont des mesures qui feront elles aussi date en Amérique latine. En principe, les concessions vénézuéliennes accordées aux sociétés étrangères, en grande partie également nord-américaines, comme c'est le cas pour le cuivre au Chili, venaient à échéance en 1983, et la Chambre des députés a adopté le mois dernier un projet de loi qui devrait permettre au gouvernement de nationaliser sans indemnité dans un délai de 3 ans, donc avant l'échéance des concessions, les concessions insuffisamment exploitées. Et cette mesure viserait la plupart des sociétés étrangères, et les autorités vénézuéliennes estiment que cela leur permettrait de contrôler environ le 80% des richesses pétrolières du pays d'ici à 1974. Donc une dizaine d'années avant la date prévue dans les accords passés en 1943 avec les sociétés nord-américaines. Demain, la suite de cette évocation après le chapitre « Quelques hommes au pouvoir », le suivant sera intitulé « Une irrigation bouchée ». Une réalisation de Jérôme Nussbaum. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.